franceinter.com. Le mot écorche leurs oreilles et surtout celles de leur patron. Mercenaire, un mot qui sent le soudard, le chien de guerre sans foi ni loi. Non, ils préféreraient qu'on les appelle, comme aux États-Unis, contractors, c'est-à-dire contractants ou contractuels. Un mot plus policé, mais une même réalité, ces paramilitaires, des civils recrutés par des sociétés commerciales sous contrat avec une armée, et qui remplissent des fonctions ressortissant du métier militaire, sont bel et bien des mercenaires, par définition. Si M. X a décidé d'en parler aujourd'hui, c'est que ces soldats privés, ces soldats de fortune, comme on disait autrefois, sont de plus en plus nombreux de par le monde. Et d'abord sur les principaux points chauds actuels, Irak et Afghanistan, où ils font jeu égal en nombre avec les combattants officiels. Mais on les trouve aussi sur d'autres théâtres d'opérations où ils assurent la sécurité de militants d'ONG, de diplomates ou de travailleurs expatriés. Et certains verraient bien ces nouveaux Rambo remplacer les casques bleus trop souvent inexpérimentés car issus d'armées de pays pauvres mal équipés. Cette tendance à la privatisation ne va pas sans inquiéter. Non seulement parce que ces mercenaires sont à l'origine de nombreuses bavures meurtrières, mais aussi parce que la guerre devient un enjeu commercial et que, logiquement, les dirigeants et les actionnaires de ces entreprises privées ne poursuivent qu'un seul objectif, gagner de l'argent, toujours plus d'argent. De là à imaginer qu'ils ont intérêt à prolonger les conflits, il n'y a pas loin. Enfin, et ce n'est pas le moindre danger, ces sociétés, essentiellement anglo-saxonnes pour l'instant, sont aussi constituées en puissants lobbies qui tentent d'influencer la politique des États qui les emploient. C'est d'autant plus facile qu'elles phagocytent également peu à peu le monde du renseignement. Aux États-Unis, un spécialiste a même affirmé récemment que le rapport ultra-secret de la CIA remis chaque matin au président américain était en partie rédigé par des analystes privés. Dans un instant, M. X dissèque la réalité et les enjeux de ce nouveau mercenariat. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons les tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. C'était le 16 septembre 2007. Place Nissour à Bagdad. Vers 13h, un convoi de 4 véhicules blindés et lourdement armés a surgi au beau milieu de ce carrefour généralement très encombré. Des véhicules militaires ? Oui et non. Apparemment, en effet, c'était un convoi militaire, mais il n'appartenait ni à l'armée irakienne, ni aux forces états-uniennes d'occupation. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, un convoi paramilitaire privé. C'est ça. Ces quatre gros et menaçants blindés étaient des véhicules d'une SMP, c'est-à-dire d'une société militaire privée. L'une des plus importantes, la compagnie Blackwater. Ouais, une entreprise américaine. Oui, ouais. Très implantée en Irak auprès des forces de la coalition. Blackwater avait malheureusement fait parler d'elle 3 ans plus tôt. 4 de ses agents chargés du ravitaillement des soldats américains avaient été capturés à Fallujah. Fallujah, c'est une ville qui a longtemps résisté à l'occupation. C'est exact, oui. Ces 4 hommes avaient été lynchés par une foule en liesse. Puis les cadavres brûlés de 2 d'entre eux avaient été suspendus aux poutrelles d'un pont enjambant l'Euphrate. Et ces images, très choquantes, hein, avaient fait le tour du monde. Ah, pour l'opinion américaine, elles avaient rappelé le massacre des Marines en Somalie. L'opération Faucon Noir en 1993. C'est ça, oui. Et elles ont eu le même effet traumatisant ? À peu près. Mais Blackwater, dont le grand public a ainsi appris l'existence, a été aussi montré du doigt, car manifestement, ses employés avaient été jetés négligemment dans le chaudron du Fallujah. Ouais, sans mesure de protection particulière. Oui, et les familles des victimes ont porté plainte. Mais je vous le promets, nous en parlerons longuement de l'histoire de Blackwater. Disons quand même que cette horrible histoire a donné lieu à une gigantesque opération de représailles conduite par les forces armées américaines. Il fallait venger l'humiliation. Oui, car même si les victimes étaient des contractuels, c'était d'abord des Américains. Aussi, le commandement de la coalition a-t-il décidé de punir la ville de Fallujah, censée être le cœur de la rébellion sunnite. Au cours d'un engagement militaire massif, la presque totalité de la population de la ville a dû fuir. 1400 insurgés, ou présumés tels, ont été tués, mais aussi une petite centaine de combattants américains. Et des quartiers entiers ont été rasés. Et cette opération a constitué un véritable tournant dans la stratégie mise en place par les forces d'occupation. En effet. Et l'état-major états-unien a aussi compris qu'il fallait mettre en place un système global de protection de tous ces contractants qui collaboraient avec l'armée. Bon, ça j'en reparlerai, car c'est une nouvelle structure privée qui va en être chargée. Ah oui, alors les privés protégeant les privés. Sous le parapluie américain, bien sûr. Mais revenons sur la place Nissour à Bagdad. Lorsque le convoi se présente, un agent de la circulation se précipite pour tenter de favoriser son passage. Il faut en effet savoir que, pour éviter d'éventuelles attaques terroristes, ces véhicules bénéficient d'une priorité absolue. Et ils en abusent. Le plus souvent, oui. Ils passent à toute vitesse dans les rues et se moquent complètement du code de la route. Pour aller plus vite, ils n'hésitent pas, par exemple, à emprunter les sens interdits, quitte à bousculer les véhicules qui y sont engagés. Donc, cet agent de police fait ce qu'il peut. Mais je vous l'ai dit, le carrefour est très encombré. Alors, les blindés ont fait demi-tour, pris la direction d'une voie à contresens et, soudain, ils se sont immobilisés. Quoi, bloqués ? Sans doute. Aussitôt, un grand type moustachu surgit sur le toit de l'un des blindés et commence à tirer à la mitrailleuse. Il vise d'abord une auto occupée par un jeune homme et sa mère qui s'engagent sur la place. Le conducteur est tué d'une balle en plein front. Mais la voiture, une automatique, continue à avancer. Alors le tireur semble pris de folie. Il continue à mitrailler l'auto qui explose et prend feu. Puis les occupants des autres blindés ouvrent à leur tour le feu. Sur qui alors? Sur les voitures, sur les passants. Un vrai massacre. On relèvera 17 morts. Mais alors pourquoi? Exactement. On ne le sait toujours pas. Mais bien sûr, plus tard, les mercenaires de Blackwater prétendront qu'ils ont été attaqués et qu'ils ont tiré en état de légitime défense. Une version contredite par tous les témoins et par l'enquête diligentée par la police irakienne et le FBI. L'affaire a fait scandale. Naturellement. Et le gouvernement irakien, malgré sa soumission aux forces de la coalition, a solennellement protesté. Mais rien n'y a fait. Et pour l'instant, 3 ans après les faits, les responsables de la tuerie n'ont pas été punis. Mieux, un juge fédéral états-unien les a même relaxés en 2010. Cependant, il faut espérer que cette décision étonnante ne mettra pas fin à l'action judiciaire entreprise par les autorités de Bagdad et les familles des victimes. Comment expliquer cette sauvagerie gratuite? Il faut bien sûr tenir compte du climat explosif qui régnait alors en Irak. Mais la véritable explication tient dans ce que l'on a appelé l'ordre 17. L'ordre 17, expliquez. Il s'agit d'un décret signé en 2004 par l'autorité provisoire de la coalition et son représentant, Paul Bremer. Selon ce texte, les contractuels des sociétés militaires privées devaient échapper à toute poursuite initiée par le gouvernement irakien. La punité totale, quoi. Et dans les faits, un véritable permis de tuer, oui. Ce dont ont usé et abusé les mercenaires de ces sociétés privées sous prétexte de neutraliser de prétendus terroristes qui les auraient menacés. On tire d'abord, on vérifie ensuite. Et de nombreux civils parfaitement innocents l'ont payé de leur vie. Mais il y a eu aussi des cas où l'on a constaté des meurtres gratuits. Un seul exemple. En décembre 2006, un autre paramilitaire de Blackwater erre au beau milieu de la zone verte de Bagdad. Ce camp retranché là, qui abrite le commandement de la coalition et aussi les principales administrations irakiennes. Ce type, un certain Monen, n'est pas en service. Et il a certainement bu plus que de raison. En passant devant la demeure du vice-président irakien, il est interpellé par une sentinelle en faction qui lui demande de s'arrêter. Monen refuse. Une discussion houleuse commence et brusquement, le mercenaire sort une arme de poing et abat la sentinelle. Sans raison sérieuse, donc. Mais c'est la suite qui est étonnante. Le vice-président réclame justice et exige que Monem soit traduit devant un juge irakien. Mais Blackwater refuse de livrer son employé et même de le licencier. Monem est toutefois invité à regagner ses foyers. Mais 2 mois plus tard, il est à nouveau engagé par une autre SMP au Koweït. Une société militaire privée. L'impunité a donc joué à fond. Grâce à l'ordre 17. Et alors que des dizaines de soldats américains ont dû répondre, eux, devant la justice militaire, d'exactions commises sur des civils irakiens, jamais aucun employé des SMP en Irak n'a été poursuivi. D'ailleurs, ces contractuels s'en vantaient. Si on commet une faute grave, nos patrons nous mettront dans un coffre de voiture et nous exfiltreront. Mais ça me paraît encore plus grave. Ça signifie aussi que l'administration américaine, là-bas, a fermé les yeux. Vous avez tout à fait raison. Et si l'affaire prenait de l'ampleur dans la presse ou l'opinion, comme lors du massacre de la place Nissour, elle conseillait simplement aux dirigeants des SMP de payer les familles de victimes. Alors, il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi ces sociétés privées ont pris une telle importance. À tel point qu'on a même pu parler d'une privatisation de la guerre. Et pour vous prouver à quel point c'est vrai, je ne vous donnerai qu'un chiffre. Les spécialistes de la question estiment que le marché annuel du mercenariat est aujourd'hui au minimum de quelque 70 milliards d'euros. C'est un vrai pactole, ça. Et qui a naturellement suscité la convoitise de nombreux entrepreneurs. Parce qu'à côté des grands SMP tels que Blackwater, il existe aussi une myriade de petites compagnies qui travaillent souvent en sous-traitance pour les grandes. Une constatation d'abord, le mercenariat, puisqu'il s'agit de ça, c'est vieux comme le monde. À peu près, oui. Et sans remonter jusqu'à l'Antiquité, les reîtres des guerres de religion ou de la terrible guerre de 30 ans n'étaient rien d'autre que des mercenaires au service des grands féodaux ou des États européens. Plus près de nous, il y a eu les conflits liés à la colonisation. Ah oui, les affreux du Congo et les types de trinquiers. Ou les chiens de guerre de Bob Denard. Oui. Des pionniers de la privatisation de la guerre. Mais aussi comparés aux véritables armées privées qui opèrent aujourd'hui en Irak ou en Afghanistan, de petits artisans qui ne regroupaient dans leur bande que quelques dizaines de baroudeurs et d'anciens soldats. Mais il y a eu ensuite, dans les années 90, et là, on a franchi une étape à la fois quantitative et qualitative, les premières grandes compagnies de mercenaires, souvent issues de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de l'apartheid. Bien sûr. Executive Outcomes, ou Sandline, la Britannique, qui ont recruté des hommes qui s'étaient fait la main, si j'ose dire, dans la répression contre les mouvements révolutionnaires ou indépendantistes. Ou bien encore dans les bataillons d'élite ou les forces spéciales comme les SAS britanniques. Mais c'est justement l'Afrique du Sud, de l'après-apartheid, qui a adopté la législation anti-mercenariat le plus stricte. Alors que c'est dans ce pays que sont nées ces sociétés. Ouais. Et oui, on y a vu prospérer de véritables armées privées, des armées combattantes. Essentiellement quand même engagées dans des conflits africains. Des guérillas ou des guerres civiles, oui. Où ces armées privées faisaient la guerre à la place des États, avec une débauche de moyens sophistiqués et même l'utilisation de raids aériens et de napalm. Pretoria a donc voulu donner un coup d'arrêt à cette prolifération qui donnait une mauvaise image de l'Afrique du Sud. Mais d'autres pays ont aussi essayé de réguler ou de mettre fin à ces pratiques, la France en particulier. En tout cas, il est vrai qu'à la fin des années 90, on a vu ce genre de mercenariat artisanal plus ou moins disparaître. Oui, mais pour renaître sous d'autres formes. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Mais aussi, de mon point de vue, en tout cas, beaucoup plus inquiétant. Rendez-vous avec X. Avant de poursuivre, je vous propose la lecture d'un texte assez prophétique du président Ike Eisenhower, qui avait déjà entrevu les dangers de la privatisation de la chose militaire. Dans son discours de fin de mandat, en janvier 1961, il déclarait ceci. Cette conjonction entre un immense establishment militaire et une importante industrie privée d'armement est une nouveauté dans l'histoire des États-Unis. Nous ne pouvons ni ignorer ni omettre de comprendre la gravité des conséquences d'un tel développement. Nous devons nous prémunir contre l'influence illégitime que le complexe militaro-industriel tente d'acquérir ouvertement ou de manière cachée. La possibilité existe, et elle persistera, que cette influence connaisse un accroissement injustifié dans des proportions désastreuses et échappant au contrôle des citoyens. Nous ne devons jamais permettre au poids de cette conjonction d'intérêts de mettre en danger nos libertés ou nos méthodes démocratiques. Rien, en vérité, n'est définitivement garanti. Seul des citoyens alertes et informés peuvent prendre conscience de la toile d'influence tissée par la gigantesque machinerie militaro-industrielle et la confronter avec nos méthodes et objectifs démocratiques et pacifiques afin que la sécurité et les libertés puissent fleurir côte à côte. Une observation avant de poursuivre. Si le mercenariat a changé de nature, quelques-uns des hommes qui ont joué un rôle notable dans ce domaine au cours de la décennie 90 sont demeurés très actifs. Un Tim Spicer, par exemple, créateur de Sandline, est toujours bien placé dans le secteur du mercenariat. Mais je vous propose de nous attarder un instant sur la carrière tout à fait emblématique de ce personnage. Auparavant, là, dites-moi... Ce qui a fondamentalement changé à l'heure de deux jours. Les pratiques, si je puis dire, sont moins sulfureuses. Les nouveaux mercenaires ne sont plus utilisés en première ligne. Ah oui, ce ne sont plus des combattants. Mais ils sont employés pour toutes les tâches annexes qui incombent à l'armée. L'intendance, le transport, l'approvisionnement et même, et c'est assez paradoxal, la sécurité. C'est-à-dire là. La sécurité de certains postes ou installations militaires, comme les centres de détention. Le gardiennage des prisonniers de guerre. Et ça va même plus loin, puisque dans la sinistre prison irakienne d'Abu Ghraib, où les geôliers s'amusaient à se faire photographier en train d'humilier les prisonniers, le personnel chargé des interrogatoires appartenait pour un tiers à des sociétés privées. Et dans ce cas précis, hein, quand on parle d'interrogatoire, on évoque aussi l'utilisation de la torture. Évidemment. Alors Tim Spicer, en décortiquant sa carrière, vous allez mieux comprendre l'évolution du mercenariat et le passage d'une sorte d'artisanat à une nouvelle espèce d'entrepreneur. Je vous écoute alors. Spicer, citoyen britannique, né au début des années 50, est d'abord un parfait produit de ce qui se fait de mieux dans l'armée d'Outre-Manche. Diplômé de la fameuse académie de Sandhurst, il rejoint un régiment d'élite, les Scots Guard, et à ce titre, il combat lors de la guerre des Malouines. Puis, après avoir été casque bleu en Bosnie, il est affecté en Irlande du Nord. Là, il doit faire du maintien de l'ordre. Et il est impliqué dans une sale affaire. Au cours d'une manifestation, deux de ses subordonnés tuent un jeune militant catholique désarmé. Conséquence, hein ? Ces deux soldats sont reconnus coupables et lourdement condamnés. Mais Spicer fait des pieds et des mains pour leur venir en aide. Non seulement les meurtriers échappent à la prison, mais ils sont réintégrés dans leur régiment. Eh bien, ce qui doit assurer en tout cas la réputation de Spicer auprès de ses hommes. Hein. C'est certain. En 1995, il quitte l'armée et se lance dans le mercenariat comme bon nombre d'anciens membres des forces spéciales britanniques. Très proche de la célèbre société Executive Outcomes, il crée sa propre firme, Sandline, et emporte un premier contrat en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il est chargé de la sécurité d'une importante mine de cuivre. Et là, il s'agit clairement de réprimer les rébellions des autochtones qui protestent contre la destruction de leur environnement par les grands trusts anglo-saxons. Et nous en avons parlé autrefois. Oui, je me souviens. Ouais. Après la Nouvelle-Guinée, c'est la Sierra Leone où sévit l'une des plus sanglantes guerres civiles du continent africain. Malgré l'embargo de l'ONU, les hommes de Spicer convoient des armes. Et combattent aussi, hein, lorsqu'il le faut. Ah, naturellement, ouais. Car ils sont puissamment armés. Cependant, quand cet épisode est découvert, c'est le scandale et le gouvernement de Tony Blair, qui avait plus ou moins missionné Sandline, est mis en cause. Donc, hein, si je vous ai bien compris, la Spicer est impliquée dans des affaires plus que douteuses. Certes, mais l'homme est habile. Il publie même un livre à sa gloire où il se vante d'aider sur le terrain des organisations humanitaires. Mmh. Vrai ou faux ? Oh, franchement, je n'en sais rien. Mais Spicer a bien compris qu'il devait se démarquer de l'image désastreuse associée à tous ces soldats de fortune qui ont fait le coup de feu en Afrique ou ailleurs, au service de causes souvent criminelles. Ouais. Du blanchiment de mercenariat, en somme. Ah ben, ça y ressemble. Ouais. En tout cas, pour noyer le poisson, Spicer dissout Sandline en 1999. Mais c'est pour recréer aussitôt une autre société, puis encore une autre. Dorénavant, il s'agit d'être respectable. Il embauche quelques gloires de l'armée britannique et même un ancien conseiller de Ronald Reagan. Mais malheureusement, il s'avère que ce dernier personnage a été l'un des acteurs du scandale de l'Iran Gate. Ouais, pour le blanchiment, c'est un peu raté. Hein. Peut-être, mais enfin, il en faut plus pour décourager Spicer, qui va regarder maintenant vers l'Irak. Ah, et ça, c'est le nouvel Eldorado des sociétés militaires privées. Hein. Oui, et on verra pourquoi ça l'est devenu. Enfin, poursuivons l'histoire de Tim Spicer. Dès le début de l'invasion irakienne, la concurrence est rude entre toutes ces sociétés privées qui veulent toutes avoir une part du gâteau. Mais disons-le franchement, le Britannique Spicer n'est pas forcément le mieux placé. Oui, parce que la plupart des autres sociétés là, sont états-uniennes. Forcément. Mais après des débuts difficiles, Spicer et sa nouvelle société, Aegis, vont réaliser un vrai coup d'éclat. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Après la malheureuse affaire de Fallujah en 2004, l'état-major allié a jugé bon de coordonner l'action de tous les contractuels privés. Oui, afin de mieux les protéger. Hein. C'est Spicer qui emporte le gros lot. Sa SMP Aegis est chargée de sécuriser les déplacements et les activités de toutes les autres sociétés privées opérant en Irak. Ainsi, Spy Surf fait équiper tous les véhicules de système d'alerte. À utiliser en cas d'attaque terroriste. Et en outre, il met au point un réseau de forces d'intervention rapide susceptibles de venir en aide à tout équipage en difficulté. Au total, Spy Surf a mobilisé 1400 hommes. Des soldats privés, aguerris, recrutés dans les SAS britanniques ou les fameux Kirkas indiens et népalais. Et à l'heure actuelle, cette force représente l'un des contingents militaires les plus importants présents en Irak. Et j'imagine que Spicer a signé là un formidable et fructueux contrat. Bien entendu. Mais en même temps, toujours soucieux d'améliorer son image, le chef mercenaire a créé une fondation dont il a confié la direction à un ancien aumônier d'un régiment de parachutistes. Un aumônier, hein. Une fondation pour quoi faire ? Venir en aide à la population irakienne grâce à de petits programmes d'assistance en matière de médecine ou d'hygiène, et même de reconstruction. Mais vous l'imaginez bien, le mercenaire ne s'est pas mué gratuitement en bon samaritain. Car ce que lui et d'autres dirigeants de sociétés militaires privées visent désormais, c'est un marché encore plus énorme que la guerre proprement dite, le marché du maintien de la paix. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Ce marché évoqué par Monsieur X est donc celui de la sécurité mondiale, c'est-à-dire celui d'opérateurs privilégiés auprès de l'ONU. J'en ai trouvé confirmation dans l'un des ouvrages les plus exhaustifs sur le sujet, Irak, terre mercenaire, les armées privées remplacent les troupes américaines, un livre écrit par le français Georges-Henri Brisset-Desvallons, je le cite. Ces opérations de charité et la création de fondations caritatives siglées SMP relèvent ouvertement de la stratégie d'entrisme que mettent inlassablement en œuvre, avec pour l'heure des résultats plus que mitigés, l'industrie militaire privée depuis maintenant une vingtaine d'années. Le marché onusien des opérations de maintien de la paix reste le grand objectif des SMP, le seul à leur fournir une perspective de développement sur le long terme. Les capitaines mercenaires ont parfaitement compris les bénéfices qu'elles pourraient tirer en termes de légitimation de leur présence, d'un positionnement marketing humanitaire. Aegis n'est pas la seule firme à se poser en mécène. Triple Canopy, qui n'a cessé de grandir depuis 2003, tente d'occuper la position. Une entreprise de légitimation éthique qui permet de lisser l'image trop souvent sulfureuse des acteurs privés de la guerre et de forcer le verrou mental des décideurs onusiens. Alors pardon, mais à ce niveau de mon récit, il me faut faire un petit retour en arrière afin de mieux comprendre comment les SMP, les sociétés militaires privées, ont pu croître de façon aussi exceptionnelle. Et pour cela, il faut remonter au début de la première présidence Bush. Ouais, parce que c'est George Bush Jr. Hein, qui serait à l'origine de cette privatisation de la guerre ? En grande partie, oui. Mais je dois la vérité de dire que Bill Clinton aussi a contribué à leur développement. Et même avant lui, pendant la guerre du Vietnam, on a observé les prémices de cette orientation. Le Pentagone a ainsi donné l'autorisation d'engager 70 000 civils pour des missions de logistique. Plus tard, donc sous le double mandat de Clinton, des sociétés privées états-uniennes ont été autorisées à conclure des accords de coopération avec des armées étrangères. D'autre part, à l'époque, il est déjà question d'externaliser, c'est le mot à la mode, certains services du Pentagone. externaliser, en bon français, ça veut dire privatiser. Bien sûr. Mais sous Clinton, alors, quel est l'objectif poursuivi ? Les responsables de la défense estiment alors que cette externalisation pourrait se traduire par d'importantes économies. Mais on n'en a jamais fait la preuve. Quoi qu'il en soit, au cours de ces années 90, plus d'une centaine de milliers de fonctionnaires fédéraux qui travaillaient dans la défense ont été transvasés dans le privé et sont donc devenus des employés du complexe militaro-industriel. Mais le mouvement va encore prendre plus d'ampleur avec l'entrée de George Bush Jr. à la Maison-Blanche. Hein. Tout à fait. Le 10 septembre 2001, c'est-à-dire 24 heures avant les dramatiques événements de Manhattan, Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, donne le ton. Dans un discours prononcé devant quelques huiles du Pentagone et de l'industrie militaire, il se lance dans une longue diatribe contre les nouveaux ennemis de l'Amérique. Nouveaux ennemis, c'est-à-dire, qui sont-ils ? Eh bien, pour lui, après l'implosion de l'URSS, le danger se trouve à l'intérieur même des États-Unis. Le nouvel ennemi, c'est la bureaucratie du Pentagone. Et il annonce tout de go, je ne veux pas attaquer le Pentagone, je veux le libérer. La formule est plaisante, mais ça veut dire quoi ? Bon, le raisonnement de Rumsfeld est très simple. Pour bien fonctionner, le Pentagone doit s'inspirer des méthodes utilisées dans le secteur privé. Et au passage, on en profitera pour dégraisser le mammouth, comme dirait l'autre. Ah oui, et au fond, ce qui va se passer le lendemain, c'est-à-dire les attentats du 11 septembre, viendra renforcer sa thèse. Absolument, puisque les superpuissantes agences de renseignement, tant militaires que civiles, ont été incapables d'anticiper l'événement et donc de protéger l'Amérique. Conséquence alors, le mouvement de privatisation souhaité par Rumsfeld va s'accélérer. Bien entendu, d'autant qu'à la Maison-Blanche, Rumsfeld peut compter sur tous les faucons mis en place par Bush, à commencer par le plus influent d'entre eux, Dick Cheney. Ouais. Cheney qui vient de faire lui-même fortune dans le privé. À la tête de Halliburton, un géant de l'exploitation pétrolière qui possède aussi des filiales spécialisées. Et Cheney, vous le savez bien, ne manquera jamais de favoriser son ex-entreprise qui va rafler, par exemple, une part importante de la fourniture aux armées pendant la campagne irakienne. Il y en aura pour des dizaines de milliards de dollars. Et là, on n'est pas loin du conflit d'intérêts, comme vient de l'écrire Martin Hirsch. Mais je reviens à ce que je disais. Le 11 septembre est donc pain béni pour tous ceux qui veulent grignoter des secteurs entiers des missions traditionnellement dévolues à l'armée. Et s'y ajoute un élément plus subtil ou plus pernicieux, comme vous voudrez. Avant même le 11 septembre, Bush et ses faucons voulaient s'en prendre à Saddam Hussein. Ouais, les attentats de New York ont leur fournir un prétexte pour agir. Au prix d'un amalgame dont je vous ai souvent parlé, car Saddam Hussein n'avait rien à voir avec les acteurs et les instigateurs des attentats. Enfin, peu importe. Bush va convaincre l'opinion américaine que Saddam Hussein y est pour quelque chose. Mais il va aussi fabriquer de toutes pièces ce grossier mensonge des ADN. Les armes de destruction massive qu'aurait possédé Saddam. Oui, pour aboutir à cette manipulation et la rendre un tant soit peu crédible, les faucons de la Maison-Blanche ont besoin des services secrets. Or, à la CIA, on n'est pas très chaud. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit pas à l'existence de ces ADM ? On a au moins de sérieux doutes. Par conséquent, il faut contourner l'obstacle, d'où l'idée de créer à l'intérieur du département de la Défense un réseau d'espionnage indépendant. Un concurrent de la CIA, donc. Et en partie privé. Ce sera le Bureau des plans spéciaux, un organisme externalisé qui aura essentiellement pour but d'alimenter et de légitimer les plans bellicistes de la Maison-Blanche contre Saddam Hussein. C'est assez malin. Et pour quelle raison ? D'abord parce que les faucons ou néo-conservateurs... On a dit plus simplement les néo-cons. Comme vous voudrez donc, ces néo-cons disposent là d'un service entièrement dévoué à leur cause. Ouais, difficile en effet de contredire ceux qui vous payent. Hein. D'autre part, ce bureau des plans spéciaux leur permet d'affaiblir l'influence du renseignement militaire sur les généraux. Des généraux qui ont trop tendance à faire confiance aveuglément à la CIA. Enfin, ce n'est pas rien, ce nouvel organisme échappe au contrôle tatillon du Congrès. Le résultat, vous le savez, c'est que le secrétaire d'État américain, Colin Powell, pourra en toute bonne foi présenter devant l'Assemblée générale de l'ONU de vraies fausses preuves de l'existence des ADN dans l'Irak de Saddam Hussein. De fausses preuves fabriquées par ce bureau des plans spéciaux, donc. Eh bien, Colin Powell elle a été mystifié. Ouais, je le crois qu'il ne l'a toujours pas digéré. Et après, alors, lorsque l'invasion militaire de l'Irak aura commencé en 2003, on assistera à la montée en puissance de la privatisation de l'armée. Et ça a commencé avant même l'entrée des soldats de la coalition en Irak, lors de la préparation de l'attaque dans le désert koweïtien. Dès le départ, des SMP sont associés à l'entraînement des combattants et même aux exercices de planification. Ah, les privés sont partout. Et pour vous donner une idée du changement opéré, sachez que lors de la première guerre du Golfe en 1991, il n'y avait alors qu'un civil sous contrat pour 100 soldats. Mais en dehors là, des aspects purement idéologiques qui pourraient légitimer cette privatisation, qu'y a-t-il d'autre ? Soyons clairs, il y a d'abord des objectifs purement mercantiles. Oui, permettre à des entrepreneurs amis de gagner beaucoup d'argent ? C'est évident. Mais il y a aussi des raisons beaucoup plus pragmatiques, à commencer par celle-ci. Lors de la préparation de l'offensive contre l'Irak, de nombreux généraux avaient estimé que le contingent mis à leur disposition était insuffisant en hommes. Le Pentagone leur en donnait 135 000, et ils en voulaient beaucoup plus. Non pas tant pour vaincre l'armée de Saddam Hussein que pour contrôler la situation une fois celle-ci battue. Les généraux n'ont-ils pas tendance à se montrer toujours plus gourmands ? Certes, vous avez raison, mais en l'occurrence, et la suite l'a démontré, ils avaient certainement raison. Toutefois, la Maison-Blanche ne pouvait pas leur donner satisfaction. Pourquoi ? Parce que l'armée états-unienne venait déjà d'être engagée en Afghanistan ? En particulier, oui. Et pour envoyer des soldats supplémentaires, il aurait fallu soit piocher encore plus dans la réserve, soit faire appel à beaucoup plus de contingents étrangers, comme lors de la Grande Coalition réalisée à l'occasion de la Première Guerre du Golfe. Or, cette dernière hypothèse ne plaisait pas aux néocons. Et pour quelle raison alors ? Parce qu'ils ne voulaient pas partager le commandement et qu'ils entendaient conduire cette guerre à leur manière, sans s'embarrasser d'alliés qui auraient pu se mêler de leurs affaires. Mais ils ont quand même accepté au moins la présence de soldats britanniques. Mais Tony Blair, le premier ministre britannique, se trouvait alors exactement sur la même ligne que George Bush. Quant aux contingents qui ont rejoint la coalition états-unienne, ils appartenaient à des pays qui n'avaient rien à refuser à Washington. Et alors, revenir un peu en arrière, l'emploi des réservistes. Bush et les siens n'y tenaient pas pour des raisons politiques parfaitement compréhensibles. Ouais, parce que l'opinion américaine, toujours marquée par le désastre vietnamien, ne l'aurait pas accepté. C'est presque certain. Dans ces conditions, il était donc tentant de pallier l'insuffisance des effectifs par le recours à des contractuels civils, c'est-à-dire des mercenaires. D'autant plus, enfin, si je vous ai bien entendu, que ça correspondait parfaitement à cette volonté d'externaliser un certain nombre de missions de l'armée. Et c'était, si je puis dire, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, que voulez-vous dire ? Pour la première fois dans l'histoire militaire des États-Unis, la guerre allait se financer elle-même. Expliquez-moi. En confiant une partie des tâches relevant du domaine militaire à des privés, on privatisait aussi le financement de la guerre. Car c'est le complexe militaro-industriel qui réinvestissait une partie de ses bénéfices dans ce financement. Mais en dernier lieu, il fallait bien que quelqu'un paie, non ? Eh bien, c'était le citoyen états-unien. En fait, comme l'a reconnu l'un des néo-conservateurs les plus connus, l'adjoint de Rumsfeld, Paul Wolfowitz, tous ceux qui participaient à la guerre se payaient sur la bête, c'est-à-dire sur le budget fédéral. Enfin, et j'en aurais terminé pour aujourd'hui, car j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ces armées privées, ce système avait pour Bush et ses amis un avantage considérable. Il permettait de s'affranchir de la fameuse doctrine Abrams. Qu'est-ce que c'était que cette doctrine-là ? Abrams, chef des armées américaines à la fin de la guerre du Vietnam, avait énoncé qu'un gouvernement ne pouvait se lancer dans une guerre sans être assuré du soutien de la population, et donc de l'accord des deux chambres avec la privatisation. On n'a plus besoin d'être lié par cet accord. Oui, les guerres sont plus faciles à mener. Bien sûr, puisqu'on peut désormais se passer de l'accord des citoyens. Seul l'argent commande. La suite donc dans notre prochain entretien. Deux livres pour finir, « Irak, terre mercenaire » de Georges-Henri Brisset-Desvallon que j'ai déjà cité, et « Blackwater, l'ascension de l'armée privée la plus puissante du monde » de Jeremy Scowell. Et en anglais, Corporate Warriors de Peter W. Singer, paru en 2003 chez Cornell University Press. Des ouvrages dont vous trouverez, bien sûr, les références sur franceinter.com, un site qui vous permet aussi de communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé, comme d'habitude, cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisé et Monsieur Joub qui l'a mise en musique. Tout de suite après le flash du verre, c'est aux deux mon amour de Denis Chessou.